peu blanc au passage. Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Audio, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher, ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ça n'aura pas échappé aux éditeurs réguliers de Radio Audio, c'est l'anniversaire de Radio Audio. Ça n'aura pas échappé non plus aux auditeurs réguliers de Juste Qui ou Quoi, vu que je l'ai annoncé il y a 2 semaines. Donc, au milieu des festivités, de mélange d'émissions, d'invités, de fondateurs de la radio, des archives, etc., et ben Qui ou Quoi donc, apporte sa pierre à l'édifice, modestement, mais quand même avec une émission qui va donc vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire le temps des radios libres et de leurs ancêtres, les radios pirates. Il se trouve que j'avais des livres dans ma pile de livres à lire pour l'émission depuis longtemps, donc l'occasion fait le larron, ce soir, c'est des livres sur la radio dans ta radio. Donc vous écoutez bien Qui ou Quoi sur Radio Audio, je suis Axel, et dans l'émission de ce soir, je vous parle des radios, de l'histoire des radios pirates de Daniel Le Sueur et Interférence de Laurent Galandon et Jeanne Puchol. C'est parti. Alors pour le coup, ça va être une émission peut-être un petit peu sur les chapeaux de roue, parce que tout a pris un peu du retard. Il se trouve qu'il y a eu une émission enregistrée par les fondateurs de Radio Audio qui a été rediffusée à 19h, donc ça a décalé l'émission d'avant, qui me décale moi, pour une fois j'étais à l'heure, mais bon, ça s'est pas entendu, et puis derrière j'ai une émission qui pousse, donc voilà, je vais voir, je vais faire ce que je peux. Mais bon, on commence quand même. Donc ce soir je vous parle de l'histoire des radios pirates de Daniel Le Sueur aux éditions du Camion Blanc. Et parce que ben, le sujet et le titre m'ont semblé parfaits pour ce thème. Alors le titre est parfait, en plus le livre c'est un beau livre noir, comme tous ceux du Camion Blanc, hein, l'éditeur du livre. La couverture en fait c'est une antenne radio surmontée d'une tête de mort et avec le sous-titre de Radio Caroline à la bande FM. Radio Caroline, pour ceux qui ne savent pas, c'est une radio anglaise fameuse qui émettait d'un bateau au large des côtes anglaises. Ils en ont fait un film romancé, mais plutôt sympathique, qui s'appelle Good Morning England, que je vous encourage à voir. Bref, ça parle de Radio Caroline, c'est écrit l'apparition de la bande FM. Bon, bah, moi ça m'intéresse, c'est plutôt cool, c'est pile poil dans le sujet. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, il se trouve que le Camion Blanc, c'est un éditeur indépendant, capable du meilleur comme du pire, mais bon, ça, on va y revenir. Perso, je connaissais pas l'auteur, le Daniel Le Sueur, mais il y a la liste de ses autres livres au tout début, hein, comme dans plein de livres. Mais bon, alors il a écrit apparemment L'Argus Johnny Hallyday, L'Argus d'Alida. Bon, c'est sûr que c'est pas foufou, c'est pas des trucs que j'aurais forcément lu, mais bon, il faut bien manger, donc je me suis dit, c'est pas parce qu'il a écrit ça qu'il a pas écrit d'autres trucs plus intéressants. Puis en vrai, moi j'ai rien contre Johnny ni contre Dalida. Bon, alors le livre commence par une intro sur l'importance politique et historique des radios, et des radios pirates surtout. Dans l'absolu, j'aurais voulu placer ici un « Ici Londres » de De Gaulle, mais comme je sais pas faire, et ben tant pis, vous imaginez à peu près de quoi ça cause. Le livre commence donc avec un petit topo historique, hein. Surtout sur l'Italie, parce que c'est l'Italie qui a apparemment été le premier pays à libérer sa bande FM. Et d'ailleurs, cette bande FM libérée qui s'est retrouvée prise d'assaut par des stations commerciales, mais qui a servi de base arrière, en fait, en termes techniques, à tout ce qui a pu se passer ensuite en France. Et puis, voilà, le livre va se dérouler, comme ça, on commence par l'Italie, après on fait la France, pays par pays, un peu plus de temps passé sur la France, sur Radio Caroline, justement, la radio... Enfin, Caroline, moi je dis Caroline, mais c'est peut-être Caroline, en Angleterre, et puis d'autres pays d'Europe du Nord, un peu improbable, mais bon, le livre se déroule comme ça. Alors, je ne vais pas raconter tout le livre parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous ayez une curiosité ou envie de le lire, pas de vous faire un résumé. Et malheureusement, pas sûr que la suite de ce que je vais vous dire va vous donner envie de le lire. Un rapide retour sur Daniel Le Sieur, qui est un auteur et journaliste. Alors, il y a un Wikipédia qui est long comme le bras. Je pense que c'est lui qui l'a écrit, mais bon... Trêve de mauvaise langue, alors je me suis basé là-dessus pour savoir qui c'était, et puis à travers ça on devine un peu le profil du gars. Donc journaliste, écrivain, fan du rock des premières heures et de la pop française, ça commence en disant que c'est un des premiers à avoir vendu des disques pop, des disques vinyles pop en France, collaborateur de longue date jusqu'à 2018 ou 2017 je crois, du magazine Jukebox, qui est une espèce de magazine de référence sur la chanson française sous toutes ses formes, c'est-à-dire ça va aussi bien de la variété jusqu'au truc un peu yéyé, chanson, rock, etc. Donc Daniel Le Sueur, il a ses obsessions, le rock français 60s, de Mansay à Dalida, et puis il lui fait aussi pas mal de livres sur la radio et les radios pirates apparemment. Bref, on peut voir un petit peu le profil du gars, bon, à l'ancienne, mais plutôt cool. Mais revenons à donc ce livre, cette histoire des radios pirates. Mais en fait, ce livre, il est pas terrible. Je dois l'avouer, je l'ai choisi parce que en lien avec le sujet, mais il est pas terrible parce qu'en fait, il n'y a pas de fond. Il raconte pas une histoire globale, il raconte des bribes de choses... mais il les met pas en ordre et il raconte rien au final. Un peu comme un livre de soldeur qui va nous parler des yéyés, je sais pas si vous voyez ce genre de livre, un livre où il y aura une petite bio mais hyper rapide et une photo pleine page d'un artiste, de Claude François par exemple. Mais donc on survole, on a une jolie photo, mais il n'y a rien de profond. Et en fait c'est ça ce livre. Moi j'ai eu l'impression de me faire piéger, parce que justement dans l'emballage, il n'y avait pas du tout ce à quoi ça correspond. L'emballage ne correspondait pas du tout à ce à quoi il correspondait. Il existe des livres sur les jouets d'avant, ou genre des livres qui disent « j'ai grandi dans les années 80 », qui sont purement nostalgiques et sans fond, juste c'est l'occasion de voir des photos du jouet des années 80. Ben là, en fait, c'est pareil, sauf que j'ai rien vu à cause de l'emballage. Et donc, c'est là que je dois vous parler des éditions du Camion Blanc. Donc le Camion Blanc, un éditeur un peu indépendant, donc comme je disais, enfin, il ne fait pas partie des gros éditeurs, breton de mon souvenir, à vérifier parce que j'ai pas eu le temps de le faire là en préparant l'émission, capable du pire comme du meilleur. Alors le principe, la ligne éditoriale du Camion Blanc, c'est que c'est des marchés de niche sur la musique, mais en fait le truc de base chez le Camion Blanc, c'est que c'est très souvent écrit avec les pieds, traduit à la truelle, et je vous parle même pas de la qualité des trucs qu'ils éditent, qui ne sont quasiment jamais relus. Et alors là, pour le coup, l'histoire des radios pirates est un cas d'école. On est sur un truc de l'ordre de la catastrophe industrielle. Donc moi, je m'étais fié à la couve, tranquille, et puis en fait, je l'ai récupéré. Puis un jour, il était au bord de mon lit, puis je lis la tranche, et sur la tranche, c'était écrit l'histoire des radios pirates, pirates avec deux R. Donc là, on est sur quand même quelque chose qui est vraiment, comme j'ai dit, de l'ordre de la catastrophe industrielle, typique du Camion Blanc. Comme ils sont hyper pointus dans ce qu'ils proposent, ça donne envie... globalement, quoi, genre la biographie de Lemmy de Motorhead, une biographie d'Einstürzen Neubauten, la somme sur le hardcore américain qui s'appelle American Hardcore, sauf qu'à chaque fois c'est décevant, voire carrément nul. Un peu comme ces livres qui sont édités, enfin avec le recul, un peu comme ces livres édités sur les idoles pop par fans de, ou des trucs des années 90, ou des trucs genre pop 60s, où c'était juste l'occasion d'avoir un poster, quoi. Sauf que là, c'est sur le black metal. En plus, pendant un moment, ils avaient passé un deal avec la FNAC et il n'y avait quasiment que là-bas qu'on pouvait acheter leurs livres. C'était la croix et la bannière pour un libraire de commander le livre. Bref, en en parlant comme ça, on se demande si vraiment ils aiment la musique ou s'il y a là, ou si les créateurs de ces éditions n'y ont vu juste qu'un marché de niche pour lesquels les fans seraient prêts à donner leur argent, point barre. En n'en ayant rien à foutre du contenu. Bon, j'arrête là, c'est un peu méchant, puis en plus, je ne sais pas, je ne les connais pas. Mais en tout cas, à chaque fois, pour un livre bien, eh ben, j'ai toujours eu l'impression de me faire avoir, parce que c'est tout ce que j'ai dit, c'est tout ce que dégage la majorité du catalogue. À chaque fois, je me fais un peu avoir, alors genre là, l'histoire des radios pirates, j'ai l'impression que ça va être bien, et puis en fait, c'est nul. Bon, tout ça, ça vient d'un truc qu'ils ont fait de bien, c'est The Dirt de Motley Crue, la biographie de Motley Crue, qui était tellement bien que ça m'a permis de leur pardonner un peu tout ça, mais à force c'était il y a longtemps et ils n'ont pas réitéré le coup. Donc entre le problème de fond et puis la forme et l'édition, etc., l'un plus l'autre, ça donne un livre très très moyen au final. Bon, le seul truc qui est rigolo, c'est qu'ils font un listing non exhaustif des radios pirates. Il n'y a pas Radio Dio dedans, hein, genre trop nul quoi. On parle beaucoup des radios parisiennes, il y a trois lignes sur des radios complètement improbables. Et puis en fait, ces petits trucs-là, bon, ça se lit, c'est sympa et tout. Et puis ça donne à rêver d'un livre qui n'aurait pas fait juste 391 pages, qui est déjà pas mal, et qui effleure à peine le sujet. Ça aurait fait un livre qui, justement, rentrait dans toutes les histoires de toutes ces radios qui doivent toutes être mortelles, qui ont toute une histoire à raconter. Mais là, ça aurait fait une encyclopédie de 10 tomes. Mais franchement, ça donne à rêver, et puis c'est peut-être ça qu'il aurait fallu éditer. Célibataire, cherche âme sœur, très bonne affaire, pourtant pas d'amateur, vie monotone, mais tout pour plaire, cherche personne pour boire un verre, âme esselée, très bon salaire, très cultivé, bien plus que j'en ai l'air, célibataire, excellent coup, cherche auxiliaire. Cherche à me seul, serial lover. Célibataire, cherche à me seul, serial lover. Cherche moitié complémentaire. Brun aux yeux bleus, célibataire, beau comme un dieu, pourtant si solitaire. Doux et viril, à mort père, cherche une idylle. Célibataire, cherche âme sœur, serial lover. Célibataire, cherche âme sœur, serial lover. Cherche amitié particulière. Yeah. c'était David Courtin, le Britney Spears français, d'après ce qui se dit sur certains réseaux. Même si moi je suis pas forcément d'accord, mais bon, on peut en discuter. Avec le morceau Célibataire, juste pour dire justement, j'ai mis ça parce que j'ai vu que David Courtin avait tourné un nouveau clip et que je suis donc excité comme une puce à l'idée qu'il y ait des nouveaux morceaux de David Courtin parce que c'est toujours très bien. Donc on est de retour sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Autre éditeur, je viens de finir sur le camion blanc. Là, on est sur un autre éditeur pour le second livre dont je vais vous parler, Dargo. Une autre forme, hein, c'est pas du tout, c'est pas écrit, je vais m'enfoncer. Donc c'est une autre forme, c'est une BD, mais c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire les radios pirates. Ça s'appelle Interférence de Laurent Galandon et Jeanne Puchol. J'ai profité de cet interlude musical pour changer la musique. C'est pour dire un peu la magie de la radio, ce qui se passe un petit peu derrière, quoi. Donc Interférence, une BD chez Dargo. On va tout de suite évacuer pour le coup, vu qu'on a été sur une mauvaise expérience. Dargo, c'est un bon éditeur, il n'y a rien à dire de ce côté. Enfin bon, après, chacun y voit midi à sa porte, mais en tout cas, en termes de réalisation, de ligne éditoriale, on est un peu moins sur du grand n'importe quoi que Camion Blanc. Interférence, ça raconte quoi? Alors, c'est l'histoire de Pablo et Alban, qui sont amis d'enfance, et qui vont, à la fin de leur adolescence et début de leur vie d'adulte, créer une radio pirate sur Paris dans ces fameuses années pré-81. Ensuite, on va suivre leurs aventures, hein. Ça va être lié à la situation, ça va raconter un peu comment ça se passait, etc. J'en raconte pas plus parce que pour le coup, c'est assez sympa de découvrir leur truc. Laurent Galandon, les auteurs, un petit retour sur les auteurs. Donc Laurent Galandon, c'est le scénariste qui n'est pas à son galop d'essai, pardon. Il est issu de la maison d'édition Bambou, la maison d'édition BD Bandou, qui a pu paraître pour certains un truc pas sérieux. Je m'inclus dedans, hein, parce qu'au début je trouvais ça un peu naze. Parce qu'en fait c'est beaucoup de BD d'humour commercial, genre des trucs, les footballeurs, les rugbyman, les tennisman, ils font un peu tous les sports, les pompiers, les psychologues, les psys tout court d'ailleurs je crois. C'est l'antithèse du roman graphique. Après, j'ai jamais rien contre, hein, parce que moi j'ai toujours lu des trucs comme ça, des BD vraiment très très commerciales à base de blagues en une page. Mais bon, pendant un moment, c'est vrai que moi je me tournais vraiment pas là-dessus, vers ces BD-là. Aujourd'hui, je me tourne toujours pas vers les BD de Bambou particulièrement, mais bon, je leur accorde un truc, c'est qu'ils se sont imposés dans le paysage BD français. Pas forcément que sur de la gaudriole et de la blague un peu sur le rugby. Ils sont toujours là et puis en fait ils essayent des trucs et puis ils ont fait connaître des nouveaux auteurs et en fait j'ai vraiment l'impression qu'ils sont passionnés par la BD. Bon, après, je devrais pas dire ça, ça fait très éditorial, parce que en vrai, je les connais pas. C'est l'image que j'en ai de là où je suis, de lecteur qui rentre dans une librairie et qui voit toutes ces BD, et voilà quoi. Jeanne Puchol, c'est la dessinatrice, elle, c'est plutôt l'inverse. Elle vient de Futuropolis et de la BD d'auteur. Elle en a fait quand même un peu moins que le scénariste, et voilà, mais c'est une valeur sûre, même si elle n'est pas très connue. Et donc, bah, pour le coup, Jeanne Puchol et Laurent Galandon, l'alliance des dieux, fonctionne plutôt bien dans cette BD Interférence. Au départ, moi, j'avais peur de cette BD historique, que ce soit une BD historique comme on en voit plein qui sortent, genre il y a plein de gens qui s'approprient un sujet historique et qui en font une BD, comme si aujourd'hui on n'était plus capable de lire un truc historique, sauf si on nommait des images. Bon, j'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions, un peu comme les histoires de l'oncle Tom qui va nous raconter le débarquement de Normandie, etc. Mais bon, bah là, sur la radio, sur les radios pirates et les radios libres, avec mise en scène de président et signature de décret à la pluie. Mais en fait, pas du tout. C'est le contraire, on va dire. Et en fait, c'est le contraire. C'est parce que le scénario, en fait, il est quand même bien fichu. En fait, il repose sur pas mal de flashbacks. Ça commence à notre époque et des personnes vont raconter leur jeunesse tout en laissant des zones d'ombre qu'on va découvrir dans les flashbacks. Et en fait, ces flashbacks, ils intriguent. Et en fait, ils facilitent à rentrer en fait dans l'intrigue et de se laisser porter par une ambiance et par une toile de fond historique tout en apprenant des choses. Et on va donc vraiment revivre la période. Après, le truc qui est bien, c'est que le livre se lit en fait d'une traite. Le dessin en noir et blanc, il est entre le classique et le roman graphique, avec la touche personnelle de Jeanne Puchol. Bon, moi, j'ai toujours un peu de mal à décrire, à trouver des mots pour décrire ça, mais en tout cas, vu qu'on est un peu dans un classique, et puis elle a commencé à Futuropolis, mais bon, Futuropolis sur la fin de Futuropolis, mais en tout cas, l'ambiance des années fin 70, début 80 est extrêmement bien rendue. Et entre le scénario et ce dessin qui est bien fichu, et cette ambiance, tout est bien, ben, en fait, on en est même à se poser la question de est-ce que c'est une histoire vraie ou est-ce que ce n'est pas une histoire vraie ? Bon, alors, c'est pas du tout un enjeu dans le bouquin, mais en tout cas, moi, quand à la fin, je me suis posé la question, ben, j'ai trouvé ça vraiment, ben, c'est que c'était plutôt réussi, en fait. Donc, vu que c'est plutôt réussi, ben, j'en ai parlé ce soir. Sans être renversant, ben, c'est à lire, et puis pour le coup, il faut aller voir aussi parce qu'ils ont fait une fiction radio qui va avec la BD. Donc je rappelle le nom, Interférence de Laurent Galandon et Jeanne Puchol, et c'est chez Dargo. Morcelle et elle sort-elle le crotal avec ses... son venin fatal. À coup survenir à elle, c'est périr d'une mort sale. Elle harcèle, dort seule, protège son épine dorsale. Et à elle seule, représente le mal universel. Pille toutes vos parcelles, vos portions, vos pains de sel. Faites attention à celle que la cruauté ensorcelle. Scellez les arrières sales, les nacelles, les passerelles. Les quartiers, les cartels, les écoles maternelles. Quelles sont les nouvelles, ces rituels, éventuels? Où va-t-elle, où vit-elle? Ces va-et-vient habituels, ces questions sont vitales. Essentielles, capitales, son habitat naturel. Ses réflexes sont mentales, sa pensée est bestiale. Sa colère officielle, vous la reconnaîtrez. Son pelage est spécial. Libérer la bête, effacer sa tête. Essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérer la bête, effacer sa tête. Essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Ils ont lynché la curiosité tropicale. À la verticale, par les cervicales. Ils ont lynché la curiosité tropicale. Et sa fin fut sans appel et radicale. Sans autopsie ni même avis médical. On la montre, on l'étale, sa mort est un régal. Et de porte en porte et d'escale en escale. On balance poubelle, insulte, matière fécale. La foule est immense, cruelle et inamicale. La charogne, le chacal, finira dans un bocal. Mais au fond, quel est le mobile de cette cabale? Mais au fond, quels sont les motifs de ces coupelles? Mais au fond, pourquoi lui infliger toutes ces séquelles? Mais enfin, dites-moi pourquoi vous avez peur d'elle? La bête n'est qu'elle-même et n'a pas la tête du teckel. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez-la. Sacrilège total, mais il se trouve que je vais essayer de rattraper un peu le retard que tout le monde a pris, et donc je vais devoir couper Kazay. Bon, après c'est juste l'instru, hein. Ouais, voilà. Bon, mais sacrilège quand même, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez, on va clore cette émission avec le générique alternatif, vu que j'ai encore oublié le générique de base. Donc c'était Qui ou quoi, une émission spéciale sur les livres qui parlent de radio, l'histoire des radios pirates de Daniel Le Sueur. Bon, vous pouvez feuilleter si vous voyez chez quelqu'un, hein, mais qui ou que vous pouvez prendre à la bibliothèque, hein, c'est peut-être le plus simple, parce que franchement je suis pas sûr que ça vaille le coup d'être acheté. Et puis Interférence de Laurent Galanton et Jeanne Puchol aux éditions d'Argo, qui est beaucoup plutôt sympa, et voilà. Bon, c'est pas terrible comme truc, mais bon, en tout cas, je vous encourage à le lire si vous voulez avoir un petit peu d'infos, en complément de tout ce que vous pouvez entendre en ce moment sur Radio Dio, avec les fondateurs de Radio SWK, justement ceux qui sont passés avant Ghetto Vibes. Donc nous, on se retrouve dans 2 semaines, juste après donc Love, Love, Love. Et voilà, c'est tout pour moi ce soir. Eh bien, bonne soirée et à bientôt.